écrit en deux fiches, de souris entre deux spliffs. TF1 s'associe au MC4 sociaux, déguise la ville en zoo et la cité en cage aux fauves. C'est à croire qu'on est nourri par l'alcool. Ils veulent nous mettre des étiquettes, on leur fournit la colle. Allez, ce texte déchire, c'est du blues humain. C'est même plus du rap, man, c'est du blues urbain. Alors, je reste indulgent. Petit, te crève pas les yeux si tu sors ton épingle du jeu. Moi, je suis le genre, une étoile sous le ciel, un ex-fœtus, un futur tas de poussière. Oh, je vois venir, comme mon ref m'a dit. Ici à jouer au show, ben, tu peux te faire refroidir, mais c'est ta life, contenu que t'y contribues. On ne refait pas sa vie, man, on la continue. C'est le bordel, les petits restons de vous. Bordel, plus qu'une question de goût. Bordel, petits restons de vous. Bordel, bordel, ouais, ouais. C'est le bordel, mes petits restons de vous. Bordel, plus qu'une question de goût. Bordel, petits restons de vous. Bordel, bordel. Allez. J'examine ma vie, une pure énigme. Je navigue entre ex-amis, man, et futurs ennemis, moi. Je suis ni un homme de lettres, ni un homme d'élite. J'ai laissé ma naïveté se noyer dans l'eau bénite, man. Beaucoup aiment l'or, mais n'aiment pas l'art. Beaucoup ont voulu me descendre, même pas mort, et même pas mal. Alors, on durcit son âge tendre. Les erreurs coûtent cher, j'ai compris en me rachetant. Cette nuit, j'ai senti la corde au cou. Merde, si le rap c'est ton rêve, mec, c'est que tu dors beaucoup. J'ai plus appris d'erreurs que des cours d'école. Et pour des corps, j'ai Cupidon, à qui il pousse des cornes. Oh, regarde, beaucoup disent croire en Dieu. Vêtu de cagoules blanches, brandissant des croix en feu. À genoux, quand Chronos nous frappe la joue. Même une montre cassée indique l'heure deux fois par jour. C'est le bordel, les petits restons de vous. Bordel, plus qu'une question de goût. Bordel, petits restons de vous. Bordel, bordel, ouais, ouais. C'est le bordel, mes petits restons de vous. Bordel, plus qu'une question de vous. Bordel, petits restons de vous. Bordel, bordel. Écoute mon blues, t'hallucineras. J'ai la lune pour m'asseoir, le soleil comme allume-cigare, gars. Les MC et les tas en boîte le même pas. Haïs que je kiffe et kiffe ce que j'aime pas. Tu peux me tuer, tu peux pas me faire peur. AH, MAD, pacifiste, même armé. Oh oh oh. Les lascars fument mon pain d'épices. Je suis en apnée quand je nage en plein délire. Oh, j'y crois, moi, je suis sur le qui-vive, moi. Peace, unity, y'a ceux qui en vivent et ceux qui le vivent. Y'a ceux qui s'appauvrissent et ceux à qui ça profite. Y'a ceux qui disent le monde est à vous et ceux qui se l'approprient. C'est le bordel, les petits restons de vous. Bordel, plus qu'une question de goût. Bordel, petits restons de vous. Bordel, bordel, ouais, ouais. C'est le bordel, mes petits restons de vous. Bordel, plus qu'une question de vous. Bordel, petits restons de vous.